Voici le texte. Les élèves asiatiques, en particulier ceux de Singapour, Corée, Hong Kong, Taïwan, Japon, sont les meilleurs au monde en mathématiques et en sciences, révèlent des études américaines publiées mardi. Je répète, les Asiatiques sont meilleurs. Une étude parallèle portant sur le niveau de lecture des élèves place à nouveau Hong Kong, Singapour, Taïwan dans le top 10 mondial. Les Asiatiques sont meilleurs. J'ai-tu encore une job? Il vient de dire ça, moi, là. Mais oui, à l'école. Encore une job. Attends un peu. Dans quasiment l'intégralité des 45 pays étudiés pour ce classement du niveau de lecture, j'en rajoute, les fillettes s'en sortent mieux que les garçons de leur âge. Alors, je viens de dire que les filles sont meilleures que les gars et que les Asiatiques sont meilleurs que les autres races à ces tests-là. Es-tu encore une job? La réponse, c'est oui. Est-ce que je vais la garder? Honnêtement, oui. Parce que j'ai pas commis la même erreur que le Doc Mayo. Je suis meilleur que lui, moi. Lui a donné tous les résultats. Moi, je vous dis juste qu'il est en haut. Parce que si je vous dis qu'il est en bas, je perds ma job. T'es un peu con, hein? T'es un peu innocent. Ah, ben là, vous allez dire, t'as peu, Butch. Filles, gars, tu nous as dit, les filles sont en haut, les gars sont en bas. Pas grave. Ben les gars, vous avez le droit de dire qu'ils sont derniers quand ils sont pas bons. Ben là, mais quand c'est les filles, faut pas le dire. Alors, avec les tests de sciences, de maths et de lecture, si je me contente de dire que les Asiatiques sont meilleurs, je garde ma job. Si je vous dis qu'il est en deuxième, troisième, quatrième position, j'ai plus de job. Raciste! C'est-tu cave? C'est pourquoi... Moi, je pense qu'il y a des, il y a certaines différences qui sont beaucoup plus culturelles que génétiques, qui peuvent faire en sorte que dans certains domaines, des gens excellent plus que d'autres. Mais, dépendamment de qui est en haut puis qui est en bas, t'as le droit ou t'as pas le droit de le dire. Tu me suis? Si je dis, par exemple, que les Noirs sont meilleurs au sprint que toutes les autres races, je garde ma job. Si je dis que dans un autre domaine, sont un peu moins bons, je la perds. Pourquoi, hein? Moi, là, moi, quand j'entends, et je l'entends régulièrement, que les garçons francophones, OK, les gars francophones à l'école, sont beaucoup moins bons que, par exemple, les femmes anglophones. Parce que les femmes battent les gars à l'école et les anglophones battent les francophones. Ils sont 100 fois meilleurs que nous autres. Au Québec, ils décrochent moins, ils persévèrent. Puis on pourrait même préciser, le ou la meilleure là, au Québec, là, c'est une femme anglophone juive ou asiatique. Ah! Est-ce que je suis un raciste? Non. Moi, j'aime ça entendre ça. Même si c'est pas le fun pour moi. Moi, je suis plus francophone, blanc, européen, gars. Qu'est-ce que ça me dit comme message? Que la culture asiatique et la culture anglophone favorisent plus l'éducation. Ouais, pas moins bon. Il y a des facteurs culturels. Les gens qui viennent ici, là, qui viennent du Vietnam, ou qui viennent du Cambodge, ou qui viennent de avoir un diplôme, l'éducation, là, c'est une valeur inestimable. Et les parents priorisent ça. Nous autres, les Québécois, un peu moins. Ben, ça paraît, ces bancs d'école. Moi, je suis capable de recevoir l'information, de me botter le cul, de me fouetter, sans en appeler au racisme, puis au lynchage de tous ceux et celles qui ont dit ça. Sans prendre aux messagers. Alors, je veux pas faire de parallèle avec d'autres qui ont peut-être manqué de nuances dans leurs propos. Vous savez, tout le monde a deviné de qui je parle, là. Pas en train de dire que c'était parfait. Je veux pas répéter ça. Mais je constate que on est une société de, il y a certaines catégories de gens dans la société qui sont extrêmement fragiles. Aussitôt qu'on les retrouve en tête, c'est correct. Si on dit qu'ils ont un peu de misère dans certains domaines, ils vont tout de suite crier au racisme. Ils vont s'en prendre aux messagers, alors qu'ils devraient peut-être faire ce que moi, je pense qu'on doit faire. Quand on performe pas bien dans un domaine, se regarder dans le miroir, se botter le cul et s'améliorer. Pourquoi on s'en prend aux messagers? Selon moi, c'est pas tant à cause du propos, c'est à cause du sous-entendu. Des fois, qui est véhiculé dans ce qu'on dit ou ce qu'on dit pas. Tu me suis? Ouais, mais si tu me dis que pour des raisons culturelles, les Asiatiques sont meilleurs, correct, tu le dis, mais si en t'en rajoutes puis qu'il y a un sous-entendu, si un sous-entendu, c'est là où ça accroche. Si un sous-entendu que t'es fondamentalement moins bon en raison de ta race, là je vais débarquer parce que je suis pas d'accord avec ça. Ouais, je te suis là. Il faut pas sous-entendre que la race comme telle fait en sorte que t'es moins bon. Mais garde, moi je viens de dire, c'était dans tous les journaux ça. Je viens de dire que les Asiatiques sont meilleurs que les Blancs. Ben oui. Mais moi, en tant que blanc, là, à matin, je pourrais tenir le discours de certains dans la société. Raciste, porter plainte. Je pourrais porter plainte. Comment ça? Les Asiatiques. Mais non. Je suis capable de recevoir l'information, de pas me considérer moins bon en tant que race ou peuple, mais juste de trouver pourquoi. Ben, ça se fait que les Asiatiques performent mieux. Moi, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Mais il y a des différences culturelles. Mais c'est correct, amener froidement comme ça, ce sont des faits, il y a des études, ça le dit, c'est qu'après ça, t'as certaines personnes qui vont véhiculer des messages et qui vont laisser planer toutes sortes de sous-entendus ou qui vont en rajouter, puis c'est dans le sous-entendu, dans le commentaire que des fois ça peut être. Non, je te suis. Mais t'es d'accord avec moi que même sans sous-entendu, si j'avais... Ouais. Hey, je l'ai pas le classement au complet, OK? Mais admettons que c'est les bleus, pour pas se faire d'ennemis, c'est la race bleue qui est la moins performante au niveau de tous les tests dont je t'ai parlé tantôt. Est-ce que la race bleue aurait porté plainte pour racisme ou la race bleue aurait accepté ça et aurait dit on va se regarder dans le miroir et on va faire mieux? Moi, je pense que la race bleue aurait porté plainte. C'est d'ailleurs pourquoi tous les textes que j'ai vus sur ces études-là, c'est une grande étude américaine, l'université de Boston, si je ne m'abuse, on donne les meilleurs, mais on donne pas ceux qui sont en bas. Je pense que les bleus auraient été fâchés pour acharnement si on s'était mis tout le monde à fesser là-dessus en disant on le sait bien, c'est parce qu'ils viennent de là puis ben. Ah, là, s'il y avait eu des préjugés, ouais. S'il y avait eu de la généralisation, dans le sens toutes les, c'est parce qu'ils sont de cette couleur-là qu'ils sont de même, là, on tombe dans le racisme. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, je pense qu'on est capable de faire le débat de façon intelligente, de regarder un classement. Il y a des fois que t'es premier, des fois t'es dernier. Puis quand t'es dernier, ben, go. Arrange-toi pour être meilleur. C'est tout. 7h18.